Mes chers amis, bonjour. Ici, Danielle. C'est encore elle. Comme l'an dernier. Mais cette année, ça va être tout de même un petit peu différent. Entendons-nous. Les sujets traités, ce sera un petit peu la même chose. De l'actualité, de la culture, les curiosités du moment, des questions de langue. Vous savez que j'aime beaucoup la linguistique, on vous parlera de langue. Toujours des sujets qui ne soient pas tristes, des sujets qui soient sympathiques, aimables, pour passer un bon petit moment. Bon, nouveauté pour cette année. D'abord, nous serons ensemble un petit peu plus longtemps. Au lieu de 10 minutes, ça sera 15. Voilà. Donc, tout le plaisir sera pour moi. Et j'espère que pour vous, ce sera la même chose. Je vais avoir aussi des invités. Alors, ce seront des invités de passage. Par exemple, un professeur d'université qui vient nous rendre visite, un collègue d'une autre université, des étudiants, des collègues, des personnes qui connaissent la France ou d'autres pays de langue française, parce que bien sûr, je suis toujours une ardente de la francophonie, voilà que le mot me manque. Donc nous serons toujours entre personnes aimant la France et les pays francophones, mais pas forcément toujours en français. Ça finirait par être ennuyeux. Donc il y aura moitié-moitié. Un petit peu de français, un petit peu d'espagnol. Parfois vous entendrez mon espagnol, il n'est pas très parfait, mais peu importe. On va jouer sur les deux langues et on essaiera de s'amuser un petit peu. Si vous avez des questions, envie d'entendre traiter quelque chose, un sujet qui vous ferait plaisir que nous évoquions, eh bien, vous le faites savoir à la rédaction, c'est tout simple. Vous entrez sur le site de la station et puis vous avez là une manière d'entrer par Internet, un petit courriel et on me le fera savoir. Alors aujourd'hui, nous allons donc commencer et on va parler de quoi? Vous devinez? De la crise, de la pénurie? De la bourse à Paris, du CAC 40? Non, pas du tout, du tout, du tout. Nous allons parler de l'heure de gloire et de la gloire de l'heure, c'est-à-dire cette distribution des prix que nous avons eus hors saison et qui sont les prix Nobel. Alors cette année, nous sommes gâtés. Ce sont des Français qui ont reçu des prix. Enfin, des Français, oui, on va en reparler de cette affaire-là. Français, bon, enfin, toujours, en tout cas, plus que ce brave Zhao Jingyang de l'année 2000, qui avait reçu le prix Nobel de littérature pour son œuvre, écrite en français, alors qu'en fait, ce n'est pas un vrai francophone. Il écrit en français, mais, bon. Mais enfin, le mérite était là. Nous avions été tout de même contents. Donc, nous allons parler de nos prix Nobel. Alors, chronologiquement, nous avons eu d'abord le prix Nobel pour la médecine. Alors nous étions tous très très contents parce que c'est un petit groupe, le groupe du professeur Montagnier et de sa binôme habituelle, Madame Françoise Barré-Sinoussi aussi, qui ont reçu le prix Nobel de médecine. Bon, alors évidemment, le bonheur n'est pas parfait. Pourquoi? Parce que déjà ce prix Nobel de médecine, il faut le partager avec les Allemands. Bon, mais nous sommes en Europe, tout de même. Il faudrait avoir un esprit européen et non pas un esprit franco-français. Bon, on y arrivera. Et puis, ce professeur Luc Montagnier, eh bien, c'est un grand bonhomme. Mais arrivé à l'âge de la retraite, à 65 ans, et pour un scientifique, 65 ans, c'est rien du tout, c'est le début d'une carrière presque. Eh bien, à 65 ans, on lui a aimablement dit de prendre sa retraite. Alors, comme les scientifiques de haut niveau généralement sont recherchés de toutes parts, eh bien, il a pris son avion et puis il est parti aux États-Unis où il était attendu à bras ouverts. Et là, on l'a reçu pour qu'il puisse continuer ses recherches sur le virus du sida. Et là, il a fait merveille. Et heureusement pour nous, il n'a pas pris la nationalité américaine parce que sinon, nous n'avions plus de prix Nobel. Alors donc, ce brave homme, merci beaucoup. Alors évidemment, c'est toujours la même chose entre Français, dans les facultés, mais c'est la même chose ici, bien sûr. Les équipes scientifiques sont à couteau tiré journellement. Ça ne se voit pas. La façade, elle est souriante, aimable, tout le monde se donne des poignées de main. Mais par derrière, les équipes scientifiques, vu les enjeux qui sont au milieu de tout ça, les équipes scientifiques ont tendance à batailler entre elles. Alors, nous avons vu le président Sarkozy féliciter tout le monde, le professeur Montagnier en premier lieu, bien sûr, Françoise Barré-Sinoussi aussi, et puis tous les autres qui ont contribué à ces trouvailles scientifiques, parce qu'évidemment, à l'heure de la mondialisation, les recherches ne se font pas par une seule équipe, mais disons par plusieurs groupes qui finissent par converger vers les mêmes trouvailles. Alors donc, finalement, nous sommes quand même contents. Bon, et puis, nous avons eu aussi un autre prix Nobel, donc, le prix Nobel de littérature. Et là, il est retombé sur Le Clésio, dont je vais vous parler dans un petit moment. Le Clésio, vous le connaissiez ? Ben sûrement pas. Mais ça fait partie de ces personnes qui n'arrêtent pas de voyager, comme les scientifiques. Ce sont des pensées absolument mondiales qui ne font que voyager. Ah là là, les voyages. L'avion, ils ne sortent pas de l'avion. Vous allez voir, l'avion. J'ai trouvé un journal dans le hall de l'aéroport. Je viens la chercher, elle m'a dit sois là à 10h. Je n'ai plus une seconde à moi, puisque je lui ai tout donné. Qu'est-ce que j'ai fait encore de mon ticket de parking? J'ai dû le perdre tout à l'heure au lavatory. Si elle croit que je vais lui donner 10 centimes pour aller pisser, c'est râpé. On annonce que l'avion de Buenos Aires est arrivé. Je remonte en courant l'escalier. Je bouscule des filets, des hommes maquillés. Et je cours jusqu'à la porte. J'ai l'air. Qui sortent sont toutes plus ou moins pressées. Dis-moi Carolina, pourquoi tu n'es jamais pressée? Déjà la semaine dernière, tu as dû sortir la dernière de l'avion. Je ne veux plus attendre encore, mes fleurs sont fanées. La Renault rouge qui est dans le hall commence à tourner. Elle rougit les vitres fumées et je vois le Boeing entrer dans l'entrée. Je m'installe, le commandant me dit bonjour, comment ça va? Alors vous êtes enfin de retour. Plan de vol, regardez encore une fois comme le ciel est grand, car nous allons revenir dedans. Ça y est, il est arrivé. Notre Nobel a mis les pieds à terre. C'est un voyageur. Ce Le Clésio, c'est un très très grand voyageur. Vous avez lu le El Mundo? El Mundo nous dit: El escritor nació en Niza el 13 de abril 1940 en el seno de una familia bretona que se asentó en la isla Mauricio en el siglo XVIII. Casado con una saharaui gemia desde 1975, tiene dos hijos y vive en Albuquerque, en los Estados Unidos, aunque tiene residencias en Niza y en la Bretaña francesa. Es doctor en letras por la Universidad de Niza y empezó a escribir con 7 años de edad, cuando fue a visitar a su padre a Nigeria como trabajador como cirujano. Cuenta entre sus galardones el premio Renaudot, le Prix Renaudot, que es el más importante de las letras francesas, y lo obtuvo en 1963, cuando apenas tenía 23 años. El libro se titulaba Le Procès Verbal y fue considerado como una obra maestra. Bueno, entonces esa historia de la isla Mauricio yo la he visto comentada en alguna noticia en la prensa española y decían Luc Lesio, autor franco-mauritano. ¿Pero qué es eso? L'île Maurice, eh bien, c'est une île qui se trouve à côté de Madagascar et à côté de la Réunion. Voyez où ça se trouve? Ça se trouve là-bas au fond de l'Afrique. Et cette île, elle s'appelait au début l'île de France, mais sans trait d'union, sin guion, porque l'île de France con guion sería la zona alrededor de París. Eso es l'île de France, es decir, la isla de Francia. Una belleza seguramente. Y entonces fue francesa, fue descubierta por los portugueses, después fue francesa y después la perdimos en 1814. ¿Sabéis por qué, no? Cuando se cayó Napoleón, pues se cayeron muchas cosas a la vez. Y los ingleses que estaban a la vuelta de la esquina, ¿qué hicieron? Pues cogerla. Y entonces, de momento, es una república independiente desde 1992, pero está pertenece a la Commonwealth. Pero tiende a acercarse siempre a los países francófonos que tiene al lado, que son La Reunión y Madagascar y las Islas Comoras. Bueno, entonces la población allí es mezclada, evidentemente, y la población blanca, que son los restos de los primeros colonizadores, se eleva al 2%. Eso es. Ahí en ese montón está Luc Lesio, nuestro querido Luc Lesio. Bueno, alors, est-ce que les œuvres de Luc Lesio ont été traduites en espagnol? Eh bien, pas beaucoup. En fait, si vous voulez trouver des œuvres de Luc Lesio, eh bien, vous allez trouver le procès verbal qui avait donc été traduit à la suite du prix Renaudot, et puis ensuite un roman qui s'appelle Diego et Frida, qui raconte les amours de Diego Rivera et de Frida, de sa chère Frida, donc de 1993. Ensuite, la quarantaine, la quarantaine, le poisson d'or, et puis dernièrement, l'Afrique. Luc Lesio, il n'arrête pas d'écrire. Il a déjà écrit au moins 30 œuvres, mais des romans, c'est pas n'importe quoi, il n'écrit pas comme ça à la suite. Ce sont des bonnes œuvres. Et la dernière, elle s'appelle Ritournelle pour la fin. Alors, je laisse au futur traducteur le soin de traduire ritournelle. Déjà hier, une collègue m'a demandé « Oye, ¿cómo dirías tú ritournelle en español ?» Y yo, el español no es mi lengua. Y yo le dije « Pues cantinela, a lo mejor, porque ritournelle a veces es un poquitín despectivo. Oh, siempre viene avec la même ritournelle. Y en español diríamos la cantinela. Pero mirando una enciclopedia, la cantinela es un tipo musical que es la tonada. Y la ritournelle pour la fin realmente es una cosa un poco triste, porque es en la guerra cuando había mucha hambre. Entonces, Luc Lesio pues sabe decir las cosas con palabras muy bonitas. Y os digo que Luc Lesio, ¿dónde lo vamos a encontrar? Pues lo encontramos en Le Petit Robert. Nos sirve de referencia para muchísimos ejemplos de lengua actual. Sí, es un gran autor. Aparte de ser poético, de apreciar la naturaleza, todas esas historias de belleza, de universalidad, de cosmopolismo, es un gran escritor del francés. Y con eso os dejo que vayáis a buscar un libro sobre Luc Lesio. No os vais a arrepentir de comprarlo. Allez. On se revoit la semaine prochaine. Au revoir.